Chardonnant de l'Empire, mais ni l'homme ni la nature n'ont entendu mon chant d'amour. Curieusement dans les fouillères, et mon cœur s'éloigne sans bruit.